Huitième chapitre, la prison et la mort. Puis-je dire que je l'ai connue intimement? En tout cas, je crois avoir été aux jours les plus douloureux de son calvaire, le seul être qui pouvait lui porter en cellule quelque chose sentant la vie et la jeunesse, quelque chose qui n'avait rien de solennel, ni de menaçant, ni de méfiant. Mon ministère professionnel se réduisait à peu de choses. Elle était saine et robuste. Ce qu'elle souhaitait le plus, l'air pur, l'eau parfumée pour ses bains, les longues promenades, impossible de le lui procurer. Ainsi donc, ce qu'elle me demandait généralement, c'était des potions pour calmer ses nerfs et combattre l'insomnie. Une seule fois, déjà au bord de la tombe, elle me demanda un verre d'alcool. Auparavant, durant son interminable détention, elle n'avait manifesté, du moins en ma présence, aucun de ces désirs qui tourmentent en général les prisonniers. Orgueilleuse par nature et imbue, en bonne aristocrate du Nord, des idées de hiérarchie et même de caste, elle supportait assez mal la compagnie des détenus que le règlement faisait coucher dans le même dortoir qu'elle, mais elle savait se résigner. Ainsi s'exprime le docteur Brales, médecin de Saint-Lazare, qui fut en constante relation avec Matahari durant les 8 mois que la fameuse ballerine passa dans cette prison. « Je n'étais alors, ajoute-t-il, que l'aide de mon maître, le docteur Bizarre. Mais peut-être à cause de cela même, cette femme me parlait avec plus de confiance qu'aux autres et très souvent m'obligeait, après la visite réglementaire, à rester quelques instants auprès d'elle. » Je ne sais si ce fut par défiance ou par conviction qu'il ne valait pas la peine de se confesser à un simple interne, mais jamais elle ne me parla des crimes dont on l'accusait. Je ne sais rien de son procès que tout le monde ne sache. Si vous me demandiez « la croyez-vous coupable ?», je vous répondrais « oui, quoique avec peine à le croire ». Il ne semble pas logique, en effet, qu'un être de cette nature, avec son orgueil, avec sa fantaisie, avec son amour de l'art, avec sa beauté, sa culture et son mépris de l'argent, se soit rabaissé jusqu'au point de séduire les aviateurs étourdis de Vittel pour surprendre sur leurs lèvres assoiffées de baisers les secrets de nos opérations militaires. Cependant, il est hors de doute que les débats du Conseil de guerre furent désastreux pour elle et pour sa défense. Je me rappelle lui avoir fait une visite le jour même où fut rendu le verdict. Je vous assure que son calme, son sang-froid, son indifférence me stupéfièrent. Si j'avais été l'aumônier, j'eusse essayé de sonder son âme pour lui offrir les consolations de la foi. Mon rôle purement médical m'obligeait à observer une réserve absolue. C'est pourquoi, après l'avoir questionné sur sa santé, je m'éloignais de sa cellule, sans même oser lui ordonner quelques cachets de Véronal pour la faire dormir. 2 jours après, je remarquai qu'elle n'en avait pas eu besoin, que ses nuits ne se ressentaient point de la perspective d'un sinistre dénouement de la tragédie où elle se trouvait compromise. Son procès s'était terminé le 24 juin. Le 27, vers 10 heures du matin, une des religieuses de la prison m'aborda avec mystère et me dit à l'oreille que Madame Mata désirait voir le docteur. « Le docteur Bizarre, sans doute, dis-je. Non, c'est le petit docteur qu'elle veut voir. » Le petit docteur, c'était moi. Je me dirigeais vers sa cellule avec la crainte que la réaction après l'effort eût déterminé chez cette créature tout en air une crise comme celle que, de son propre aveu, elle avait subie à l'époque de ses grands triomphes artistiques. Mais non, rien de cela. Ce n'est même pas en ma qualité de médecin que j'étais mandé. Ce qu'elle voulait, c'est que je lui apportasse quelques livres intéressants. Ingénument, je lui citai les noms de 2 ou 3 romanciers illustres, Bourget, Marcel Prévost, Rony. « Non, murmura-t-elle avec dédain, pas ça. Les histoires bourgeoises ne m'intéressent pas beaucoup. Je puis bien vous l'avouer, jamais je n'ai réussi à lire jusqu'au bout une de ces œuvres qu'on appelle roman de mœurs. Ce qui m'attire, c'est la poésie dans ce qu'elle a de mystérieux et de religieux, de légendaire et de magique. Je crois que le seul moyen de vivre en beauté, consiste à nous évader des mille misères quotidiennes pour voler en plein idéal. C'est pourquoi de tout ce qui est européen, je ne peux rien supporter, pas même la religion. » Là, elle fit une délicieuse moue d'enfant gâté et s'écria: « N'allez pas au moins le rapporter à ces pauvres religieuses qui s'entêtent à vouloir me convertir. Ces malheureuses ne comprendraient seulement pas ce que le mot religion signifie sur mes lèvres, et elles feraient certainement le signe de la croix si elles m'entendaient mêler les danses et même les caresses avec la liturgie. Car moi, je suis hindou, quoique né en Hollande. Hindou, oui, oui. Vous qui êtes intelligent docteur, vous pouvez le dire. Y a-t-il en moi quelque chose d'européen? Non, je suis une orientale, aussi l'Orient seul m'intéresse-t-il au fond. Quand on me parle de patrie, mon esprit se tourne vers un pays lointain où une pagode d'or se mire dans une rivière sinueuse. Je ne sais pas exactement d'où je suis, de Bénarès, de Golconde, de Gwalior, de Madura, n'importe. Il y a un secret dans mon origine, dans mon sang. On le saura plus tard. Moi-même, je l'ai à peine percé. » Un nuage de tristesse ou de nostalgie semblait passer dans ses yeux à mesure qu'elle évoquait ainsi son illusoire berceau. Mais sur ce point aussi, la réalité devient inexplicable. Ni le type, ni le caractère, ni la culture, ni le teint, ni la mentalité, rien de cette femme n'était de nos latitudes. Il y avait en elle quelque chose de primitif et de sauvage, et en même temps quelque chose d'hiératique, de sacerdotal, de raffiné, un je ne sais quoi. Le docteur Bralès cherche une phrase, une image pour condenser sa vision étrange et contradictoire. On note que, comme tous ceux qui l'approchèrent, il fut vivement impressionné par l'amalgame qu'il y avait en Matahari de simplicité et de complication, d'ingénuité et de calcul, de superbe et de mansuétude. Un de ses amants, lui dis-je, pour l'aider à trouver la formule qu'il cherche en vain à combiner, nous la donne pour une enfant possédée par le démon. « Non, me répond-il, je ne puis pas dire cela. Je ne l'ai pas connue en des circonstances propices au jeu de ses instincts féminins. Enfermée dans une étroite cellule, toujours en compagnie d'autres détenus, sans moyen de communication avec qui que ce soit, elle était, a-t-on dit, une panthère encagée. Et cela non plus n'est pas tout à fait exact. Une panthère, même en cage, paraît féroce. » La ballerine n'inspirait pas la moindre idée de cruauté, languide parfois jusqu'à la torpeur, et d'autres fois exaltée, fébrile, impérieuse. Elle conservait toujours une sorte de bienveillance aristocratique et sensuelle qui semblait pardonner d'avance le mal qu'on lui faisait. On voyait que sa culture était profonde, non parce qu'elle était vaste, mais parce qu'elle dominait tous ses actes et toutes ses pensées, et la guidait à tous les instants de sa vie. Quand, appelée par elle, j'allais la voir 2 jours après la sentence, elle me dit « En ce moment, je ne voudrais rien lire de nouveau. Ce que je désire ardemment, c'est relire les œuvres qui m'ont dirigée sur le chemin de l'art et de l'amour, puisque hors de ces deux terrains, le reste n'a jamais existé pour moi. Si vous vouliez bien me complaire, il vous faudrait obtenir que le musée Guimet vous prêtât ses œuvres, car on ne les trouve pas facilement en librairie. » Et elle commença à me parler des grands livres de l'Inde comme nous parlons, nous autres, des derniers romans du boulevard. « Autrefois, me disait-elle, mes lectures favorites étaient celles qui nous enseignent à aimer la vie et à savourer les voluptés avec un sybaritisme passionné. Il y a dans le Premsagar des chapitres qui font palpiter tous nos sens et qui nous enivrent comme l'opium. Je sais par cœur des chants entiers de cet immense poème dans lequel les poètes modernes ont puisé leurs meilleures inspirations. Également, le théâtre de Kalidasa, par sa tendresse, et celui de ses disciples, par sa pittoresque subtilité, m'ont procuré des jours exquis. Je ris quand j'entends dire que c'est à Paris que l'art scénique atteint à son apogée. Si vous saviez ce qu'est aux Indes le raffinement psychologique et même réaliste des œuvres, là-bas, chaque passion a son parfum et sa couleur, et ainsi l'amour est bleu, le plaisir blanc, la tendresse rose, l'héroïsme rouge. Les décors changent de teinte et l'atmosphère change d'arôme au fur et à mesure qu'un nouveau sentiment va dominant dans le drame, et chaque personnage tient le langage de sa caste et de sa région, et quand ils ne se comprennent pas, un interprète, comme dans la vie courante, intervient pour leur traduire ce qu'ils se disent. En outre, ne croyez pas que ces auteurs versent dans le moule éternel des quatre actes toutes les aventures. Non, il y a des pièces en un acte, en deux, en trois, en cinq, en sept, en douze, en vingt, suivant l'importance de l'intrigue. Et les amants s'aiment vraiment sur la scène, et ils se haïssent vraiment, et ils se poursuivent, et ils s'attaquent vraiment. J'ai vu du sang sur les mains de quelques-uns d'entre eux. Ah, et les légendes chevaleresques, les histoires de guerriers rajpoutes qui, en tunique safran par-dessus la cotte de maille, chevauchent en quête d'aventures merveilleuses. Et les romans où une fille de brahmanes orgueilleux s'énamoure d'un page et reste prisonnière dans une citerne des années et des années durant, sans renoncer à l'espoir de s'échapper un jour pour courir à sa rencontre, certaine qu'elle le trouvera à la porte de la pagode où ils se connurent et dans laquelle il saura mourir en soupirant pour elle s'il ne la revoit pas. Rien de plus poétique, de plus noble et de plus grand que ce qui nous reste de l'Inde antique. Mais pour me faire plaisir maintenant, point n'est besoin que vous m'apportiez le Premsagar, ni le Bhaktamal, ni le Sangasambhatissi, ni le Sundarakanda. Je me contenterai d'une œuvre plus modeste et plus facile à trouver. Tâchez donc de me procurer le lotus de la bonne loi, pas autre chose. C'est un petit livre bouddhique qui enseigne à mépriser tout. Je la regardais fixement pour voir s'il y avait sur son visage quelque chose qui ressemblât à l'expression du visage d'un condamné chrétien mis en chapelle et demandant l'imitation de Jésus-Christ. Mais non, rien. Le docteur Brales poursuit. Je ne trouvais dans aucune librairie le lotus de la bonne loi, mais un confrère de l'hôpital Saint-Louis, très versé en littérature asiatique, me prêta quelques jours après une espèce d'évangile du bouddhisme, composé d'extraits du Lalita Vistara, du Buddha Karita et de l'Avadanasataka. Avant de le remettre à Matahari, je voulus le feuilleter, et je finis par le lire en entier avec un intérêt très vif, me figurant à mesure que le filtre du nirvana allait pénétrant dans mon esprit, que le mystère de l'âme de la ballerine s'éclaircissait devant mes yeux à la lumière de ce pathétique mysticisme. Une des premières phrases que je trouvai en ouvrant le livre fut celle-ci. Le jeune martyr à qui le bourreau vient d'arracher les yeux s'écrie « Qu'importe, puisque j'en ai tiré tous les plaisirs qu'il pouvait me procurer, et puisque, grâce à eux, je me suis rendu compte que tout est périssable, éphémère et méprisable. » Puis je lus la parabole fameuse de la courtisane. Le jeune Upagupta, qui était un miroir de sainteté, rencontra un matin la plus belle bayadère du royaume, la glorieuse Vasavadatta de Mapura, et quand la femme vit le jeune homme, elle se sentit amoureuse et le lui dit. Mais le jeune homme s'éloigna sans tourner la tête. Quelques années plus tard, cette bayadère fut condamnée à mort, et le bourreau lui coupa les jambes, les bras, les oreilles, le nez, et l'abandonna dans le cimetière afin que les corbeaux achevassent d'exécuter la sentence. Quand Upagupta le sut, il se dirigea vers le cimetière, et la femme, en le voyant arriver, lui dit « Tu ne voulus point ma beauté ni ma vie, et tu viens te repaître de mon agonie et de mes douleurs ?» Le jeune homme lui répondit « Non, ma sœur. Ce que je viens voir, c'est combien peu importe la vie et combien peu signifie la beauté. » Alors elle ne sentit plus les transes de la mort ni la douleur de disparaître, et se rendant compte de la peine infinie qu'il y a au fond des plaisirs, elle préféra le nirvana et mourut heureuse. Tout le reste était à l'avenant dans ce livre que j'ai ensuite tâché en vain de retrouver et qui ne contenait rien que ne contienne n'importe quelle histoire de Bouddha. À chaque page, quelque mystérieuse voix douce et sereine y murmure les psaumes du renoncement heureux, de la béatitude du non-être, du bonheur de cesser d'exister. Et en entendant de telles voix, je pensais que si réellement Matahari avait été élevé dans ses principes, Il n'était pas étonnant qu'elle contemplât avec une si noble sérénité, avec un si superbe dédain, la perspective de sa prochaine exécution. Car, quoi que disent ceux qui interprètent d'une façon fantaisiste les gestes du courage féminin, cette femme n'eut jamais le moindre espoir que la sentence du conseil de guerre ne serait pas exécutée. Rappelez-vous, en effet, l'implacable dureté de ces temps-là. Le docteur Bralès a raison. Après une longue période, pendant laquelle des ministres, imbus d'illusoires idées de mansuétude rédemptrice, s'étaient refusés à voir les crimes contre la société ou contre la patrie qui se commettaient dans certains milieux révolutionnaires et cosmopolites, d'autres gouvernants, non pas plus patriotes, mais plus énergiques, plus à poigne, avaient inauguré ce qu'on appela le régime de la terreur. Le complot des Invalides, la bande du Bonnet Rouge, la mort suspecte d'Almereda, l'affaire Hans Vram, le capitaine Esteve vendu aux Allemands, le procès de Bolo Pacha, le malheureux Sedano, secrétaire du poète Ruben Dario, qui mourut dans les fossés de Vincennes en se proclamant fils de l'empereur Maximilien, l'adjudant mystérieux, la condamnation de Lenoir et de Duval, les femmes fusillées à Nancy et à Bourges. Tout ce qui pouvait impressionner le peuple et l'armée, en somme, s'accumulait en l'espace de quelques mois. Ceux qui tombaient alors entre les mains de la justice militaire payaient pour ceux qui, durant les deux premières années de la guerre, avaient bénéficié de l'esprit de tolérance prêché par d'autres. Avec sa clairvoyance, Matahari ne pouvait pas manquer de comprendre que c'était vaine chimère de compter sur la grâce présidentielle. Certes, son défenseur la berçait, comme on berce une enfant, de la promesse de hautes interventions. D'Espagne, de Hollande, d'Amérique, quelques voix généreuses s'élevaient en sa faveur. Les entendit-elle seulement? En tout cas, je crois, comme le docteur Bralès, que depuis le jour où elle écouta la terrible sentence prononcée par 12 loyaux soldats au nom du peuple français, son âme se prépara à affronter le dernier supplice avec une dédaigneuse bravoure. Sa conversation, me dit l'éminent médecin de Saint-Lazare, son intéressante conversation qui, auparavant, avait été cosmopolite et mondaine, commença soudain à devenir plus sérieuse, plus rêveuse, plus orientale. Les sentences fleurissaient sur ses lèvres comme sur celles de Sancho Panza, mais elles n'étaient pas de la même espèce. C'étaient des sentences apprises dans la lecture des grands livres hindoustaniques et qui lui servaient pour affirmer à chaque instant sa foi en le nirvana. « Dès notre naissance, disait-elle, résumant ses lectures, nous sommes un squelette animé par un ressort que peut rompre le moindre choc. Ou bien, le ver est le seul être immortel. Ou encore, il n'y a ni vie ni mort, il n'y a que des métamorphoses. Mais quoique, comme je l'ai ensuite appris, ses amis l'aient toujours trouvée pédante à cause de ses citations et de son perpétuel désir d'expliquer à la manière bouddhique ou brahmanique les arcanes de l'existence et les canons de l'art, j'avoue n'avoir jamais rien remarqué dans sa façon de s'exprimer qui me choqua par le ton solennel. Avec la plus grande versatilité, elle mêlait la poudre de riz et la métaphysique, les pratiques du plus bas occultisme et les sublimes enseignements des Védas. Un parfum préparé d'une certaine façon, une couleur combinée avec une autre couleur en de certains jours, une parole magique prononcée avec un accent spécial, un chiffre cabalistique, une amulette, une niaiserie quelconque, en somme, suffisait pour lui faire concevoir les univers les plus inouïs d'exaltation. Je me souviens d'un après-midi où, souriant d'un air fort triste, elle me dit que, pour me récompenser de toutes mes attentions, elle était disposée à me donner les 3 recettes magiques qui pouvaient le plus m'intéresser. Je lui demandais en riant quelles sont-elles. La première et principale permet de se faire aimer de l'être élu, quel qu'il soit. La seconde, moins noble, mais plus prisée du vulgaire, est l'art de tout convertir en or. La troisième est la panacée de la santé inaltérable. Les yeux dilatés, me regardant fixement sans paraître me voir, Elle resta un long moment silencieuse après avoir prononcé ces mots. Et vous ne le croirez pas, j'en arrivais à sentir, halluciné, que je me trouvais en présence d'une sorcière, en face d'un être surnaturel, pouvant réellement disposer des éléments du mystère. « Vous le voyez ?» ajouta-t-elle tout à coup en secouant la tête, sans doute pour éloigner quelques mauvais pressentiments. « Vous le voyez ? J'ai eu les trois choses, grâce à mes trois recettes. Et vous les aurez aussi, car vous avez été bon pour moi. » Et après avoir exhalé un soupir rauque, elle resta si sombre, si recueillie, qu'elle ne remarqua même pas ma sortie de sa cellule. D'autres fois, sa joie était enfantine, ingénue et même un tant soit peu ordinaire, vulgaire, et c'est alors qu'on pouvait vraiment, en la voyant rire aux éclats et se flanquer des claques sur les cuisses, songer aux figures de Marie-Thorne hollandaise. Mais son caractère, au fond, était plutôt grave, inquiet, réservé, défiant, passionné et contradictoire. Il y avait des jours où, en moins d'une demi-heure, passaient par ses pupilles toutes les tourmentes et tous les arcs-en-ciel imaginables. On comprenait fort bien, en l'examinant sans préjugés, le pouvoir absolu que sa manière d'être, si féline et si troublante, avait exercé sur ses amants. Ici, l'idée me vient d'essayer de pénétrer un des nombreux mystères qui entourent l'image de la ballerine, et demandant à mon ami le docteur Bralez si Matahari fut réellement une des plus belles femmes de son époque. Ceux qui ont vu chez le docteur Bizarre ou dans le cabinet de Louis Dumur ces délicieuses photographies où la danseuse apparaît nue, telle une Vénus exotique, digne d'être chantée par Baudelaire comme l'incarnation de tous les péchés, me diront sans doute que sa beauté était indiscutable. Mais il n'en est pas ainsi, et la preuve, nous la trouvons dans le témoignage de quelques-uns de ses amis qui la peignent sous des couleurs peu flatteuses, assurant que sa réputation sur ce point, comme sur bien d'autres, était surfaite et ne représentait que le triomphe du snobisme et de la réclame. Ce qui plaisait, disent ceux-là, c'était ce qu'il y avait en elle de rare et de cher. La vérité, murmure le docteur Bralès, la vérité à mon point de vue, la vérité selon mon goût personnel, est que Matahari était dans toute l'acception du terme ce qu'il est convenu d'appeler une très belle femme. Par ses décolletés savants et ses élégances étranges, elle devait forcément causer une sensation profonde dans les salons européens où les dames cosmopolites s'extasiaient en respirant le parfum de luxure qui s'exhalait de tout son corps. Mais elle n'était pas vraiment jolie. Ses traits manquaient de finesse. Il y avait quelque chose de bestial en ses lèvres, en ses mâchoires et en ses pommettes. Sa peau brune semblait toujours ointe d'huile ou couverte de sueur. Ses seins, ses petits seins qu'elle cachait au public, sous deux cupules de filigrane, étaient flasques, flétris, ridés. Seuls ses bras et ses yeux étaient beaux d'une beauté absolue. Ceux qui assurent qu'elle eut les plus beaux bras du monde n'exagèrent pas. Et ses yeux magnétiques et énigmatiques, changeants et veloutés, impérieux et suppliants, mélancoliques et puérils, ces terribles yeux dans les eaux desquels tant d'âmes se noyèrent, méritaient également l'adoration dont ils étaient l'objet. Elle, il faut l'avouer, ne parlait jamais de ses charmes physiques, et même semblait plus orgueilleuse de son esprit que de son visage. C'est pourquoi les bonnes sœurs de la prison, qui lui reprochaient doucement sa coquetterie, me faisaient sourire. Elle était moins coquette, en effet, que les pierreuses qui occupent les grands dortoirs de Saint-Lazare. C'est seulement le jour de l'exécution. Le docteur Bralez s'interrompt tout à coup, comme si ces derniers mots éveillaient dans sa mémoire des souvenirs douloureux. Je lui demande, « Vous rappelez-vous un chapitre du livre de Massard intitulé « La veille du dernier jour »?»« Non, » me répond-il, « non, je ne me le rappelle pas. » C'est là que le brave commandant fait danser la bayadère au bord du tombeau. Elle savait, comme tout le monde, dit-on, que son défenseur avait fait une suprême visite au président de la République 2 jours avant. De cette visite dépendait sa vie ou sa mort. Et comme maître Clunet était resté 24 heures sans paraître à la prison, La condamnée, inquiète, anxieuse, livide, ne laissait pas un moment de repos aux religieuses qui la soignaient. « Il ne vient pas, » disait-elle, « parce qu'il n'a pas le courage de m'annoncer que Poincaré a refusé ma grâce et que je serai fusillée demain. » Sœur Marie, une petite sœur mignonne, énergique, curieuse, parlant argot à ses détenus quand il le fallait, sœur Marie, quoique peu tendre, eut pitié de cette femme comme mise en chapelle et se proposa de la distraire. « Voulez-vous bien ne pas dire de folie ? » s'écria-t-elle. Puis, sachant qu'en sa fantastique inconscience, l'hindou, comme on l'appelait, ne pouvait résister aux flatteries relatives à son art, elle lui demanda de danser pour elle seule. Massard termine en disant « Mata dansa, puis se mit à sourire et à espérer. » Le docteur Bralès lui aussi sourit. « C'est très possible, » murmure-t-il, « et en tout cas cela ressemble bien au caractère de l'héroïne. » Le matin même du 15 octobre 1917, quand on pénétra dans la cellule numéro 12 pour l'éveiller et lui annoncer que sa dernière heure était venue, je suis sûr qu'on eût obtenu facilement de la faire danser. Tous les médecins de la prison ont vu beaucoup de petits jours tragiques. Ils ont vu des gestes tranquilles, des gestes téméraires, des gestes fanfarons, des gestes dédaigneux. Ils ont vu des sourires de toutes sortes, depuis celui qui, sur les lèvres de ceux qui tremblent de peur et d'horreur, ressemble au rictus d'un squelette, jusqu'à celui qui se crispe comme un défi d'orgueil. Mais ce qui les accueillit ce matin-là d'automne, ce qui probablement ne les accueillera jamais plus en semblables circonstances, c'est un éclat de rire d'une créature qui n'avait plus que quelques minutes à vivre. La scène a été rapportée de mille façons. Je n'y ai point assisté, sans doute parce qu'elle se déroula en un des moments où je dus sortir de la cellule pour aller à l'infirmerie. Mais je l'ai entendu conter plusieurs fois. Le défenseur s'était écarté du groupe que formaient les magistrats pour parler bas à la prisonnière. Soudain, un rire macabre, inouï, invraisemblable, émut les assistants plus que ne l'eût fait n'importe quel sanglot. « Elle est folle, » dit quelqu'un. Mais pour lui prouver qu'il se trompait, Mata elle-même, encore enveloppée de son peignoir, s'approcha de lui et s'écria avec une joie ironique. « Savez-vous ce que me conseille ce bon monsieur Clunet ? Tout simplement pour bénéficier des dispositions de l'article 27 de je ne sais quelle loi, de déclarer que je suis enceinte, c'est tordant. » Et elle riait, riait de bon cœur. Je n'ai pas entendu ce rire. Par contre, j'ai remarqué l'ironie froide de son sourire qu'en voyant que les militaires et les gardiens ne quittaient pas sa cellule, quoiqu'elle eût encore à procéder à sa toilette, elle leur dit en leur indiquant la porte « Permettez, messieurs, que je m'habille. » J'allais me retirer comme les autres pour la laisser seule avec la religieuse et ses deux compagnes de cachot, mais elle me retint en disant que les médecins avaient le droit d'assister à sa toilette. Alors commença la scène qui a été mal rapportée dans tous les livres et qui fut un monologue léger, angoissant à cause de sa légèreté même, de son ton souriant, de son calme imperturbable. Par un phénomène fréquent chez les êtres nerveux et impressionnables, cette femme qui, aux époques de sa splendeur, avait une attaque de nerfs à la moindre contrariété, semblait, en préparant son suaire de ses mains aristocratiques, plus sereine que si elle se parait pour assister à une fête. La pauvre religieuse, qui, quelques semaines auparavant, dans un moment de colère dont parle Massard, avait dit « Nous verrons si elle se montrera devant les fusils aussi crâne que devant nous », tremblait d'émotion et de surprise. Avec des yeux écarquillés, elle regardait cet étrange artiste qui se mouvait rythmiquement, sans hâte, sans sursaut, et nous confiait ses dernières sensations d'une voix tranquille. « Vous avez vu ?» disait Mata Hari. « Ces messieurs craignaient sans doute de me voir pleurer ou de m'entendre gémir, et ils m'ont conseillé à mon réveil de me montrer courageuse, comme je dormais bien. Un autre jour, je ne leur aurais pas pardonné de m'avoir réveillée si tôt. À quoi obéit cette coutume d'exécuter les condamnés à l'aube ? Dans l'Inde, il n'en est pas ainsi. La mort y est une cérémonie que l'on célèbre en plein jour devant les foules couronnées de jasmin. J'aimerais m'en aller à Vincennes 3 heures environ après-midi et après un bon déjeuner. Enfin, je crois tout de même qu'on ne me fusillera pas à jeun. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre, mon cher petit docteur ? La pauvre religieuse répondit « Un cordial ». Moi, je dis « Un grog ». Elle me répondit « C'est ça, un grog ». Quand je sortis pour aller le lui chercher, les militaires et les gardiens qui attendaient impatients et livides m'interrogèrent. Je leur conseillai de s'armer de patience, car la prisonnière n'était disposée à sortir de Saint-Lazare que lavée, habillée, pomponnée. Quand je revins avec une bouteille de rhum et une carafe d'eau sucrée, Mata me demanda « Quel temps fait-il ? » « Un temps magnifique. » « Dans ce cas, » ajouta-t-elle en se tournant vers la religieuse, « il faut que vous me donniez mon manteau clair, le beige, celui que je portais en entrant ici. » Et elle absorbait son grog sans hâte, mais sans essayer non plus d'allonger ses derniers moments par ses attendrissants prétextes qui obligent les criminels les plus mécréants à entendre la messe et à fumer très lentement la sacramentelle cigarette de l'agonie. Mata était comme chez elle, parfaitement calme. « La mort, disait-elle, n'est rien. La vie non plus. Mourir, dormir, rêver, passer, qu'importe, et qu'importe que ce soit aujourd'hui ou demain, dans notre lit ou au retour d'une promenade, tout est une illusion. » La religieuse, en son désir de réconcilier cette malheureuse avec Dieu, lui parlait de l'aumônier et du pasteur protestant de la prison. Matahari était-elle protestante? En tout cas, elle avait toujours accordé sa préférence au pasteur. Mais au fond, sa seule religion était le pessimisme bouddhique qui, pour supprimer la douleur, supprime l'activité et qui ne voit en l'existence que douleurs et périls. Devant un petit miroir bien terni, après s'être peignée, elle se poudra le visage et la poitrine. J'ai gardé sa boîte à poudre et sa houppette. Voyant que la religieuse avait mal noué les rubans de ses petits souliers, elle se pencha pour les arranger en murmurant doucement « On voit bien, ma sœur, que vous ne portez pas de pareils lacets à vos chaussures. N'importe. Si vous voulez, vous pouvez à présent appeler le pasteur. Ce n'est pas que j'aie grande envie de le voir. » Mais puisque son ministère l'y oblige, qu'il vienne. » À ce moment, le commandant qui était entré le premier pour la réveiller frappa à la porte en criant « Il faut se hâter !» Mata sourit dédaigneuse et continua sa toilette en disant « Vous pouvez entrer, je suis habillée. » J'ouvris, et 4 ou 5 personnes, parmi lesquelles se trouvait mon chef, le docteur Bizarre, entrèrent dans la cellule. Solennellement, le représentant de la justice demanda à la condamnée « Avez-vous quelques déclarations à faire ?» Avec indifférence, elle répondit « Aucune. J'ai déjà dit que je suis innocente, et même si j'avais quelque chose à ajouter, je ne le dirais pas. » Le juge reprit « Avez-vous quelques désirs à exprimer ?» « Oui, je voudrais voir le capitaine Maroff, mais comme il est en Russie, je me contenterai de lui écrire, si vous le permettez. » Puis arrangeant son chapeau et gagnant le couloir, « Quand vous voudrez, messieurs. » En arrivant dans le bureau du directeur de la prison où étaient restés le commandant Massard et d'autres officiers, Mata demanda une plume et écrivit 3 lettres, une pour sa fille, une pour un haut fonctionnaire français et une pour le capitaine Maroff. En les remettant à son défenseur, elle lui recommanda, un peu ironique, de ne pas commettre l'impair d'envoyer à sa fille la lettre destinée à son amant. Et d'un pas ferme, elle se dirigea vers la porte où une automobile l'attendait. Je n'allais pas avec elle, mais avec Bizarre et un fonctionnaire dans une voiture de louage. Avec elle était monté Maître Clunet, la religieuse et un chef de bataillon. Notre véhicule, moins rapide, arriva à Vincennes quand la sentence avait été déjà lue devant la condamnée. En outre, la consigne donnée par le capitaine Bouchardon était extrêmement sévère. Personne, ni le défenseur, ni le pasteur, ni les médecins, ne pouvait approcher du lieu du supplice à moins d'être appelé. Ainsi, ce fut de 100 pas derrière le cordon de dragon qui formait le carré que je pus voir cette femme s'avancer orgueilleusement vers le poteau et se laisser attacher par la ceinture. Je la vis repousser ensuite le bandeau dont on voulait lui couvrir les yeux. Je la vis enfin agiter un mouchoir en signe d'adieu, et je crus que ce geste suprême s'adressait à moi. Je tremblais d'émotion. Qu'y a-t-il d'étrange à cela, puisque les gendarmes qui avaient surveillé son automobile et qui étaient des vétérans habitués à des cérémonies de cette espèce ne pouvaient dissimuler le tremblement de leurs moustaches grises. Seul, le capitaine Bouchardon souriait méphistophéliquement, d'un air satisfait, se promenant les mains derrière le dos et murmurant des phrases que personne n'entendait. Les autres, muets, s'éloignaient des fossés sinistres avec des pas d'automates. La pauvre religieuse faisait peine à voir. L'illustre Clunet faisait pitié. Moi, je suppose qu'avec ma face livide, je devais faire rire. Durant le retour, Bizarre ne me dit pas un mot. Mais comme nous allions arriver chez lui, avant de descendre de voiture, il me récita d'une voix émouvante les strophes fameuses de Baudelaire. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs, et quand octobre souffle, émondeur des vieux arbres, certes ils doivent trouver les vivants bien ingrats à dormir comme ils font chaudement dans leurs draps, tandis que, dévorés de noires songeries, sans compagnons de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés travaillés par le ver, ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver. Et voilà toute l'histoire, termine le docteur Bralès en essayant de sourire. Mais moi, je découvre dans sa voix un grave frémissement et dans ses yeux une profonde tristesse.